Peu après, Shylock part apporter les 3000 ducats à Bassagne et laisse à Jessica, sa fille, le soin de garder sa maison. Mais aussitôt son père parti, Jessica s'enfuit de chez elle en emportant la cassette personnelle de son père. Shylock est en compagnie de son fiancé Lorenzo, qui l'a converti au christianisme pour pouvoir l'épouser. Et Jessica et Lorenzo partent se cacher à Belmont, chez la riche Portia. Le lendemain, tandis que Solagno et Salarino, deux autres marchands de Venise, déplorent le naufrage d'un des navires d'Antonio, Shylock arrive. Solagno. « Eh bien, Shylock, quelle nouvelle parmi les marchands ?»« Vous avez su mieux que personne, la fuite de ma fille. » Salarino. « Cela est certain. Pour ma part, je sais le tailleur qui a fait les ailes avec lesquelles elle s'est envolée. » Solagno. « Et pour sa part, Shylock savait que l'oiseau avait toutes ses plumes et qu'alors il est dans le tempérament de tous les oiseaux de quitter la maman. Elle est damnée pour cela. » Salarine. « C'est certain, si elle a le diable pour juge. Ma chair et mon sang se révoltèrent ainsi. » Solagne. « Fille, vieille charogne, le devrait-il à ton âge ? Je parle de ma fille, qui est ma chair et mon sang. » Salarine. « Il y a plus de différence entre ta chair et la sienne qu'entre le jais et l'ivoire, entre ton sang et le sien qu'entre le vin rouge et le vin du Rhin. Mais dites-nous, savez-vous si Antonio a fait ou non des pertes en mer ? Encore un mauvais marché pour moi, un banqueroutier, un prodigue qui ose à peine montrer sa tête sur le Rialto, un mendiant qui d'habitude venait se prélasser sur la place, gare à son contrat. Il avait coutume de m'appeler usurier, gare à son contrat. Il avait coutume de prêter de l'argent par courtoisie chrétienne, gare à son contrat. Salarino. Bah, je suis sûr que s'il n'est pas en règle, tu ne prendras pas sa chair. À quoi serait-elle bonne ? À amorcer le poisson. Dût-elle ne rassasier que ma vengeance, elle la rassasiera. Il m'a couvert d'opprobre. Il m'a fait tort d'un demi-million. Il a ri de mes pertes. Il s'est moqué de mes gains. Il a conspué ma nation, traversé mes marchés, refroidi mes amis, échauffé mes ennemis. Et quelle est sa raison ? Je suis un juif. Un juif n'a-t-il pas des yeux ? Un juif n'a-t-il pas des mains, des organes, des proportions, des sens, des affections, des passions ? N'est-il pas nourri de la même nourriture, blessé des mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, échauffé et refroidi par le même été, par le même hiver qu'un chrétien ? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas ? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas ? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas ? Et si vous nous outragez, est-ce que nous ne nous vengerons pas ? Si nous sommes comme vous du reste, nous vous ressemblerons aussi en cela. Quand un chrétien est outragé par un juif, où met-il son humilité ? À se venger. Quand un juif est outragé par un chrétien, où doit-il, d'après l'exemple chrétien, mettre sa patience ? Eh bien, à se venger. La perfidie que vous m'enseignez, je la pratiquerai, et j'aurai du malheur si je ne surpasse pas mes maîtres. »